me suis remis à boire, je te raconte pas l'histoire. Je me suis remis à écrire des rimes de comptoir, des discussions sordides, des copains d'un soir. Spéciale dédicace à tous les alcooliques notoires. On dirait que je les aime, ces rimes à la con. On dirait que j'arrive pas à écrire quand j'ai pas le bourdon. C'est pourtant pas le bonheur qui manque à la maison, mais j'ai préféré la défonce à la raison. Tant pis pour toi, t'as fait ton choix. Tant pis pour toi, je te quitte plus que tu bois. Au bout de quelques jours, un changement de style s'impose. Je laisse tomber la rime, je reprends la prose. À présent, tu proposes, je dispose. Et si t'es pas content, ben, je t'explose. Comme un cauchemar, mais éveillé, j'aimerais m'endormir pour mieux me réveiller. Mais c'est là qu'apparaît le dilemme sacré de choisir entre rêve et réalité. Entre deux mots, je choisis le moindre. Encore une fois, dehors, voit le jour poindre. Un petit air d'inachevé, je finirai bien par en crever. Je peux plus ouvrir la bouche pour évacuer les dents. Il paraît que la mâchoire est bloquée par le vent. Je me suis confié, ça fait rire ma psy. C'est vous dire dans quel état je suis. Tant pis pour toi, t'as fait ton choix. Et si j'ai envie de dégueuler tous les matins, c'est sûrement l'hépatite qui gagne du terrain. Mettez-moi à côté de mes chats, de mes chiens, au fond du jardin quand j'en aurai un. Comme un cauchemar, mais éveillé, j'aimerais m'endormir pour mieux me réveiller. Mais c'est là qu'apparaît le dilemme sacré de choisir entre rêve et réalité. Entre deux mots, je choisis le moindre. Encore une fois, dehors, voit le jour poindre. Un petit air d'inachevé, je finirai bien par en crever. Si un jour je pose le stylo, j'espère que s'envoleront mes mots. Avec ceux de Verlaine, ceux de Rimbaud et ceux de tous les potes qui sont morts trop tôt. Voici l'histoire d'un alcoolo qui a mis trop de vin dans son dos. Si un bon Dieu pour les ivrognes qui osent s'approcher, que je le cogne.